Exercice 4, page 136. Bébé. Bonbon. Biberon. Bob. Vivant. Vous voyez. Va et vient. Veuve. Bavard. Buveur. Bienvenue. Bave. Visible. Vibrer. Avant-bras. Vélib.